De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Il y a environ un mois, à Futur Simple, nous avons souligné le 100e anniversaire de la publication de la relativité générale d'Albert Einstein, qui a transformé la physique moderne et notre vision de l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre découverte révolutionnaire dont on célèbre aussi le centenaire en 2015. Il s'agit de la dérive des continents, connue aussi sous son appellation plus moderne et plus précise, la tectonique des plaques. Alors, pour nous en parler, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors, avant de parler de tectonique des plaques, Jean-René, vous nous rapportez les dernières observations effectuées sur Cérès, en fait le gros astéroïde dont on avait déjà parlé à Futur Simple. Et en effet, disons, commençons par faire un petit suivi ici. Donc, il y a une sonde spatiale qui explore deux gros astéroïdes, qui a visité Vesta, qui est le deuxième en grosseur, 450 km de diamètre. Et pour mettre en relation, la Lune a 3600 km de diamètre et la Terre 12 000. Et Cérès, qui est un peu le plus gros astéroïde et le plus externe, 950. Et depuis un certain temps, la sonde avait excité pas mal de gens par son imagerie spectaculaire de taches relativement blanches à la surface de Cérès. En fait, il y en a un très grand nombre, environ une centaine maintenant, qu'elle est bien cartographiée. Et j'imagine qu'on a réussi à identifier. C'est quoi? Exactement. En fait, à grande distance, les premières images ont donné lieu à toutes sortes de choses, parce que le contraste est assez frappant, même si c'était en raison de contrastes exagérés sur les images qu'on présentait. Donc, ce sont des surfaces blanches, c'est comme quelque chose, un peu comme un peu de sel qui reste sur l'asphalte par une journée froide d'hiver. Et en fait, le phénomène est assez analogue. Donc maintenant, on a fait des mesures non seulement d'imagerie, mais on a analysé la lumière réfléchie par ces régions et on a pu identifier en fait que ce sont des sels, entre autres des sels de magnésium, qui proviendraient toutefois d'une certaine évaporation. Pas vraiment des geysers comme on voit sur des lunes comme Encelade et comme Europe, mais des espèces de poufs de vapeur qui seraient de la vapeur d'eau et qui ont des sels qui viennent de l'intérieur. Et un des sels dominants, c'est un sel de magnésium qui a cette couleur blanche. Et l'eau, tout ça se sublime, donc il reste cette poudre qui peut durer comme tache blanche pendant des millions d'années à la surface de Cérès. Est-ce que c'était un sel soluble dans l'eau? Oui, absolument, c'est un sel qui est soluble dans l'eau. Donc, chlorure de magnésium, peut-être? Donc, il y a des, je crois qu'il y a des régions, des chlorates. Uh-huh. Et est-ce que ces observations-là permettent de tirer certaines conclusions ou c'est trop tôt? Il est encore trop tôt. D'ailleurs, la sonde se rapproche, donc les observations vont être de meilleure qualité. La sonde est la sonde Dawn, c'est son nom, D-A-W-N, est toujours en orbite autour de Cérès, mais son orbite, on la décroît pour que la sonde puisse prendre des données plus proches de la surface. Vous pouvez regarder sur le web. Ils avaient des photos absolument extraordinaires. Allez voir, pour certaines photos d'ailleurs, des vidéos qui sont faites, qui vous allez voir l'astre Cérès tourner sous vos yeux par la mise ensemble des images prises depuis déjà plusieurs mois par la sonde Dawn. Donc, faites une recherche, vous me rentrez Cérès, Dawn, D-A-W-N, et peut-être aussi, si vous voulez être sûr, ajouter aussi JPL pour Jet Propulsion Laboratory. Mais en naviguant, vous allez tomber facilement sur des sites qui offrent de très belles images, surtout le dernier que je viens de mentionner. On essaiera de le trouver, on le mettra sur la page Facebook de Futur Simple. Alors revenons sur la tectonique des plaques, Jean-René. Alors, le père de la relativité générale est bien connu, c'est Albert Einstein, mais qui est le père ou l'auteur de la tectonique des plaques? Alors, vous pouvez nous en parler un peu et nous peut-être expliquer un petit peu son parcours de vie? Oui, brièvement, l'auteur est Alfred Wegener, peut-être pas tellement tellement connu de nos jours, mais dans la communauté des géologues et des gens qui suivent même les sciences atmosphériques, il est un personnage déterminant du début du 20e siècle. Il est né en 1880 en Allemagne et il est décédé tragiquement dans une expédition au Groenland qu'il avait organisée. C'était un explorateur des régions arctiques. Mm-hmm. Donc, il est décédé en 1930, donc à l'âge de 50 ans quand même, avec un autre jeune collaborateur dans une expédition de tempête, et ils sont morts. Sa trajectoire est intéressante. Il est formé même comme astronome, géophysicien et surtout météorologue. Et il s'intéresse à beaucoup de choses et entre autres, il remet sur le tapis une très vieille théorie parce qu'elle avait été émise à la fin du 17e siècle. OK, donc c'est une vieille théorie. C'est une vieille théorie, mais ça avait toujours été un peu comme personne ne présentait des évidences assez solides. Donc, toujours, l'idée de base était stimulée par le rapprochement que les géographes faisaient entre le pourtour de la côte est de l'Amérique du Sud, qui semblait correspondre, matcher, comme on dit, au pourtour ouest de la côte de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on disait c'était dû soit à la Terre que prix de l'expansion, et d'autres ont attribué ça à quelque chose que c'était... Ces continents étaient joints ensemble dans un passé lointain et se sont fracturés et se sont éloignés les uns des autres. Wegener a été probablement le premier à développer cette idée-là et à l'asseoir sur des bases théoriques beaucoup plus solides. Et il a fait des analyses beaucoup plus poussées des frontières géographiques. Il a étudié, entre autres, le fait qu'il a mis en relation pas la côte qu'on voit hors de l'eau, mais ce qui est à peu près à 200 mètres sous l'eau, près le niveau du plateau continental. Et là, il a vu que la correspondance est encore meilleure et exacte. Mais ça, c'est moins évident parce qu'on la voit pas, ça. Ouais. C'est ça. L'autre chose que lui savait et des évidences qui arrivaient, c'était qu'on trouvait des fossiles d'animaux et de plantes des anciens temps géologiques et on voyait les mêmes fossiles du côté de l'Afrique que du côté du Brésil. Donc, Aux mêmes périodes, géologique. Quoique, à l'époque, on commençait vraiment à établir l'âge de ces régions par stratigraphie et aussi par datation nucléaire. Donc, c'était quelque chose, à l'époque, même les paléontologues résistaient. C'est parce que finalement, ces animaux existaient dans les deux endroits, mais finalement, ils se déplaçaient via des espèces d'ismes qui sont maintenant sous la mer. Donc, ça a été... c'était très difficile pour Wegener, mais d'où c'était très contesté en fait. D'où est venue son idée en fait, vu qu'il était dans les régions polaires, on dit que l'anecdote est que Wegener aurait souvent vu sur la mer Arctique, l'océan Arctique, les grands glaciers qui se déplaçaient, se fracturaient et bougeaient. Ah. Et il a fait cette analogie et poussé plus loin. Il a d'ailleurs proposé un mécanisme qui ne fonctionne pas, c'était que la force centrifuge de la Terre permettait aux continents de se fracturer, de se déplacer, certaines forces astronomiques peut-être, mais rien ne fonctionnait. Et d'ailleurs, la résistance est due à quelques facteurs comme cela. La résistance à ces idées, il a fallu attendre dans les années 1960 avant de revenir et d'accepter sa théorie et de la reformuler dans le cadre de la tectonique des plaques, parce qu'on avait trouvé un mécanisme pour que ça fonctionne. Mm-hmm. Donc, finalement, il s'agissait d'un génie audacieux. Et effectivement, la communauté scientifique a résisté longtemps, finalement. Oui, le problème, c'est qu'il adressait un problème de géologie et de géophysique. Et en fait, il était plutôt météorologue, formé en physique et tout. Donc, il était un peu l'outsider. Qu'est-ce que tu viens nous raconter aussi? Donc, il n'avait pas de mécanisme. Et à l'époque, on concentrait trop l'attention sur la correspondance des niveaux émergents des côtes, alors que ce qui était une correspondance beaucoup plus précises étaient les plaques les plateaux continentaux. Uh-huh. Et en fait, comment ça fonctionne, la dérive des constantes? Qu'est-ce qui se passe en dessous qu'on ne voit pas? Exactement. Donc, ça, c'est la question clé. Que, j'imagine qu'on le connaît aujourd'hui. Là. On le connaît. Donc, on connaît même très bien ce qui se passe à l'intérieur. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs en ont une certaine idée. C'est que d'abord, on a découvert que l'intérieur de la Terre est très chaud. Des milliers de degrés et on s'en rend pas trop compte, mais si on descend 100 km sous nos pieds, la température de la Terre va être à peu près de 1000 degrés Celsius. Donc ça va vite. Donc c'est pour ça qu'il y a un flux géothermique de chaleur. Et le centre de la Terre est liquide? Le centre de la Terre, il y a une partie solide, ensuite liquide, là c'est assez complexe, mais le centre de la Terre est encore très chaud et la chaleur générée est due à la désintégration radioactive d'éléments lourds comme l'uranium et certains autres éléments, et aussi par des phénomènes de recristallisation de la Terre qui font qu'il y a un dégagement de chaleur, mais la désintégration radioactive est probablement dominante. De sorte que la majeure partie de l'intérieur de la Terre est liquide et la partie supérieure, qu'on appelle le manteau, est pas vraiment liquide, mais plutôt plastique, facilement déformable. Et c'est supporté sur le liquide. En fait, le liquide, c'est posé mais sur le liquide. C'est mou assez que ça se déplace. Donc, ce qu'on a à l'intérieur de la Terre, de grandes cellules qu'on appelle convectives, c'est comme des gros bouillons qui montent, la chaleur monte en surface et il y a accompagnant ça une espèce de circulation de tout ce matériel monte et à la surface ça va créer comme une espèce d'épanchement latéral et ça va aller s'enfoncer ailleurs entre autres. Donc ceci est mis en évidence par différentes structures géologiques qu'on connaît, des chaînes, des grandes chaînes de volcans, les dorsales médocéaniques qui ont joué très important le milieu des océans, qui ont des grandes chaînes montagneuses auxquels on peut associer beaucoup de volcans, par exemple les volcans d'Hawaï ou les volcans des Açores ou les volcans de l'Islande. Parce que des volcans, ils peuvent ne pas être émergés, si j'imagine. Il y en a sous la mer et il y en a au-dessus. Ils crachent de l'âme, mais ça descend et ça solidifie donc, finalement. Donc, ce qu'on a mis en évidence dans les années 50, c'est que ces dorsales étaient des lieux, les dorsales médocéaniques étaient des lieux où la matière montait, se répandait latéralement, donc on place l'épanchement des fonds sous-marins, que ces roches étaient beaucoup plus denses que les roches qui formaient les continents. Et lorsque ces roches arrivaient, se déplacent à une vitesse très faible, environ 2,5 cm par année, qui est aussi la vitesse que les continents qui flottent se déplacent. Sauf que si vous faites ça sur 100 millions d'années, vous vous êtes déplacé de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, les continents sont comme des grands radeaux qui se déplacent à la surface de ces gros bouillons internes de magma. Et est-ce que il y a des forces externes, comme par exemple la Lune avec sa force de marée, est-ce que ça peut avoir un impact justement sur la tectonique des plaques, ne serait-ce que pour attirer la partie liquide vers l'extérieur? Non, probablement pas. Là, j'ai pas vraiment l'expertise comme telle, mais je crois pas que la Lune, qui a une force de marée, puisse produire des mouvements latéraux, entre guillemets, qui sont fondamentaux dans la tectonique des plaques. La Lune, rappelez-vous, par la force de marée, soulève différentiellement différentes portions de la Terre. Donc, le mouvement est radial plutôt que latéral. Donc, ce genre de force externe ne joue pas tellement un rôle. C'est vraiment la dynamique interne de la Terre, le mouvement du magma, qui est plutôt plastique et qui permet cette espèce de grand cycle qu'on appelle. Donc, les continents se séparent. Et aussi, après un certain temps, viennent se rejoindre. Oui, parce qu'effectivement, on avait déjà entendu parler de la Pangée. Là. Exactement, c'est le dernier grand continent duquel on s'est séparé il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, ça bouge tout ça. Par exemple, ici, notre partie d'Amérique du Nord, on faisait partie de Pangée il y a 300 millions d'années. 400 millions d'années, et on était à l'équateur par okay. rapport... Ah bon, on était à l'équateur. On était à l'équateur, ouais. Mais pour nos auditeurs, la Pangée, en fait, c'était l'assemblage de tous les continents actuels. Non, hein? À peu près tout, okay. sauf qu'il y avait une espèce de fragment un peu c'était externe. Séparé. Mais en gros, c'était l'assemblage de l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Antarctique, une grande partie de ça. Donc, c'était le dernier super... On les appelle les supercontinents. Mm-hmm. Donc, il y a des cycles dans la théorie de tectonique des plaques. Maintenant, on comprend qu'on a des cycles de supercontinents. Donc, on passe à une phase où on a un grand supercontinent, comme Pangée, qui se sépare. Après des millions d'années, j'imagine. Et après, vient se rassembler. C'est, tout ça se rassemble, il y a un autre endroit, j'imagine. Regardez, par exemple, à la surface d'une eau qui bouge, ou le vent qui pousse les feuilles et tout. Vous allez voir, les feuilles viennent se coller ensemble, et d'un coup, se décollent. Donc, l'analogie est un peu faible ici, mais ça vous donne visuellement l'idée de ce qui se passe. Le supercontinent précédent, qui a existé il y a plus de 800 millions d'années, avait le nom de Rodinia. Donc, maintenant, on peut reconstruire ces supercontinents, et on parle de cycles de supercontinents, mm-hmm. et on parle aussi de cycles de Wilson, du nom de Tuzo Wilson, uh-huh. le géophysicien américain, qui expliquait que les océans se créent et se déplacent selon des grands cycles qui correspondent aux grands cycles de formation et de destruction des supercontinents. Et c'est justement au moment où il y a formation de ces supercontinents qu'effectivement, il y a des plantes qui vont s'échanger, en fait, et des animaux aussi. Tout est réuni. Donc, quand on a un supercontinent, d'ailleurs, il y a des phénomènes très spéciaux. Et l'autre dimension qui est au-delà de cette espèce d'impact sur la façon dont les animaux évoluent, dont les plantes évoluent, etc., et d'ailleurs, on va probablement voir, d'un point de vue darwinien, moins de différenciation lorsque tout ça est joint pendant quelques cent millions d'années. Et il va y avoir une évolution beaucoup plus différenciée quand tout le monde est séparé, entre guillemets. Donc, c'est ça. L'autre grand facteur qui est affecté par la dérive des continents, c'est le climat. L'atmosphère? Alors, c'est ça. Donc, autrement dit, la tectonique des plaques joue un impact sur la composition de l'atmosphère terrestre et sur son évolution. Oui, exactement. Peut-être l'impact le plus important, c'est sur la teneur en un gaz dont on parle énormément ces jours-ci, le dioxyde de carbone, le CO2, le carbone dans l'atmosphère. Et en quoi? En quoi? Donc, la façon dont ça se passe, on dit que le problème, le CO2, c'est un gros problème parce qu'il reste longtemps dans l'atmosphère. Mais il ne reste pas éternellement. Il est dissous dans les océans, dans la roche, dans tous les phénomènes chimiques qui forment des roches, des calcaires et tout. Okay. Donc, on peut dire qu'à grande échelle, sur de longues périodes de temps, l'activité tectonique, qui fait qu'on grossit des montagnes, qu'on fait des continents, qu'on les sépare, est à la source de grands systèmes d'érosion, de mouvements de croûte terrestre, c'est-à-dire de fonds marins qui ont injecté beaucoup du CO2 qui a été capté par les organismes sous-marins. Tout ça est rentré lorsque les plaques océaniques rentrent sous les continents à l'intérieur de la Terre. Donc, le CO2 de l'atmosphère est continuellement lessivé, relessivé par les phénomènes d'érosion, descendu dans la mer, et de là, extrait par les organismes vivants, par d'autres réactions chimiques des roches, et rentré dans la Terre. Okay. Donc, si on remonte au début de la Terre, il y a 4 milliards d'années, la teneur en CO2 de l'atmosphère terrestre était à peu près 3000 fois plus élevée qu'à l'heure actuelle. Donc, cette teneur-là va systématiquement diminuer au cours des âges. Donc, elle était émise parce que le volcanisme était beaucoup plus important au début de la Terre. Donc, les volcans émettaient le CO2. Donc, ce CO2-là était émis en grande quantité. Il réchauffait beaucoup la Terre aussi. Et d'ailleurs, il y avait un effet de serre extraordinaire, ce qui a été fantastique parce que le soleil était 30% moins lumineux. Ah bon, OK. Si on n'avait pas eu c'est cette dose de CO2 3 000 fois plus élevée qu'aujourd'hui, la Terre aurait été un gros glaçon et le serait resté probablement pendant plusieurs milliards d'années. Et là, on n'est pas sûr si la vie aurait émergé. Uh-huh. Donc, il y a quelque chose d'ajustement dans tout ça, là. Luminosité du Soleil relativement faible, une tectonique des plaques et un volcanisme à outrance, qui ont injecté des quantités de CO2 extrêmes. Mais aujourd'hui encore, tout ce disons, le CO2, il va à très long terme. Et là, je parle pas d'échelle d'un million d'années. Je parle d'échelle de centaines de millions d'années. La teneur en CO2 va lentement diminuer. Et nous, on injecte à l'heure actuelle beaucoup de CO2 en utilisant les combustibles fossiles, mais ça va être un petit accident relié aux humains qui auront passé sur la Terre pendant quelques milliers d'années et qui disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus. C'est un fait. Et on va terminer sur un dernier sujet. Est-ce que ce phénomène existe aussi sur les autres planètes du système solaire, par exemple, comme Vénus, par exemple? Donc, grande question. Vénus est la planète sœur, dans le sens qu'elle ressemble beaucoup à la Terre. Et on sait qu'il y a un volcanisme sur Vénus. Un volcanisme très intense. Maintenant, on a des évidences. Et là, il y a une sonde japonaise qui vient de rentrer. Non, elle n'a pas pris. On peut pas voir très facilement, qui vient de rentrer en orbite là, et qui va étudier ce qui se passe dans l'atmosphère de Vénus. Donc, Vénus aurait un volcanisme très important, aussi important que la Terre, ou l'a eu jusqu'à récemment, mais on ne voit aucune évidence dans l'imagerie radar de structures qui trahissent une tectonique des plaques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau sur Vénus. Ah, OK. Donc, ce qu'on pense que l'eau fait sur Terre, l'eau rend, ça nous paraît un peu, c'est contre-intuitif, l'eau rend les grandes structures rocheuses plus plastiques, plus malléable, plus facile à bouger au travers, entre guillemets. C'est un peu l'analogie que je ferais, c'est prenez une éponge sèche, sans eau, elle est très dure. Oui. Mais mettez de l'eau dedans, elle devient souple. Donc, il y a un peu ce phénomène. Donc, on pense que Vénus n'ayant pas d'eau, ou s'étant débarrassée d'eau très tôt, même si elle a un intérieur qui est chaud, même si elle a un volcanisme important, n'a pas de dérive des continents ou de tectonique des plaques qu'on en a sur Terre parce qu'il n'y a pas d'eau. Et la même situation s'applique probablement sur Mars, sauf que sur Mars, qui est plus petite, elle génère probablement plus assez d'énergie. Okay. Maintenant, l'autre place qu'on peut avoir une certaine tectonique des plaques, ce sont les lunes de Jupiter. Ah bon? Et même, je dirais, l'endroit le plus extraordinaire, Pluton. Et là, on parle de plaques, non pas de plaques rocheuses, mais de plaques de glace d'ammoniac ou de glace de méthane. Et dans le cas de Pluton, des glaces, des montagnes qui sont faites en azote. C'est de l'azote solide. Et il y a des photos récentes absolument fantastiques. Vous allez voir des montagnes et vous allez voir comme une espèce d'océan couvert de grandes plaques, de grands icebergs très plats qui semblent se fracturer et qui peut-être s'interpénètrent ou rentrent en collision les uns avec les autres. Mais c'est un cas vraiment particulier. Et d'ailleurs, la source interne de chaleur et tout, on est bien embêté pour le moment, mais c'est exploration future. Bon. Alors, merci beaucoup, Jean-René Leroy, pour ces explications. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. Alors, nous allons faire une courte pause publicitaire et musicale et on vous revient avec Mélanie Jean.